lovers in the air, in the rising of the sun. Lovers in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air. Love is in the air. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. C'est bon ce son là. Ah, c'est très très bon. C'est printemps, non ? Bonsoir. Bonsoir. Alors Brett, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour ce soir ? Eh bien, pour nos auditeurs qui nous écoutent, bonsoir, bienvenue dans Débattons dans Guillaume. Mm-hmm. Hein ? Mm-hmm. Et bonsoir Coach Luc. Je suis tout sûr. Ouais, et ça, le spectateur, l'auditeur, le je veux sang. Dire, ne le sent ni ne le voit. Et bien à son avantage. Et bah, comme le laisse présumer le générique que vous avez entendu, il sera question d'amour ce soir. Mais d'amour et de football, bien sûr. Voilà, Manuel, vous nous revenez d'une grande course à bicyclette. On sent que vous avez perdu un peu de force. La course de l'amour, coup, hein, comme vous la connaissez tous et toutes. L'amour essouffle. Ce soir, foot love, foot amour. Tout est amour ce soir sur le plateau de Débattons dans Guirou. C'est très bien d'introduire Platon parce qu'on. Alors pourquoi on parlera peut-être de Grèce, quoi. Oui, mais alors les auditeurs se demandent pourquoi foot love. Et là, c'est là que vous intervenez. Ouais, mon cher s'ils ont compris qu'il était question d'amour ce soir. Ouais. Ouais. Donc une émission foot love. Comme le laisser présager ses voix pleine d'amour et de fautes de français. D'amour. Quelques-unes, quelques ripages. C'est vrai. L'amour ne tolère les fautes. Foot and love, ce mois d'avril. Ce beau mois d'avril, c'est le printemps qui est venu, qui s'est annoncé à la fin du mois de mars. Qui bourgeonne, et avec eux, le taux de copulation augmente. En avril, n'oublie pas qu'il faut que tu t'épiles, c'est ça, non ? Ouais, c'est ça, oui. Tu peux sortir couvert, mais ça dépend de quelle partie du corps tu vas couvrir, quoi. C'est un peu ça l'idée. Oui, le mois d'avril, c'est un beau mois, en fait, en plongeant un petit peu dans les travées. Les archives de l'histoire, telles que, par exemple, Ovid, ce fabuleux poète romain dont les contes. On se rend compte qu'en fait, le mois d'avril, c'est tout simplement le mois de l'amour, puisque April, qui dit Aprilis. Et Aprilis, Victoria c'est April aussi. Victoria April, exactement. Voilà, c'est bien quelqu'un qui. Qui love. Qui illustre l'amour, c'est bien Victoria April. Qui incarne. Et donc ce mois d'avril qui est mis en fait un petit peu sous la lumière d'Aphrodite, c'est Ovide qui nous le dit, donc lui évidemment en tant qu'auteur romain place ça sous le mois de Vénus, mais voilà, Aphrodite la déesse de l'amour, Vénus la déesse de l'amour, de la séduction chez les Romains, il nous a semblé qu'il était bon en ce début de printemps, de faire un petit peu d'éveiller les sens sur ce plateau de Débattons dans Guirou. Plutôt que siphonner l'essence, effectivement. Même si on a une baisse de l'essence quand même cette année. Hein, en tout cas, Aphrodite, elle nous accompagne. Nous accompagne pour toute cette émission, elle sera avec nous. C'est vrai que j'ai une petite pensée un petit peu émue au fil un petit peu des découvertes. Quand on prépare une émission, on cherche un petit peu ce qui va faire la saveur de l'émission. On se rend compte que, par exemple, Demis Roussos a été lui-même le chanteur des Aphrodite Childs et que Demis Roussos nous a quittés il y a peu de temps. Que les Aphrodite Childs, c'est quand même été un groupe qui a pu marquer l'enfance de certaines personnes beaucoup plus âgées que nous, et bref, du coup, les Aphrodite Child, nous sommes un peu tous les enfants d'Aphrodite ce soir. Alors voilà, Demis Roussos, lui, qui se prenait un petit peu pour la réincarnation d'Alexandre le Grand. Est-ce qu'on n'est pas tous, nous, des réincarnations d'Aphrodite, finalement? Voilà, c'est un petit peu l'idée de ce point de départ, avec un programme, du coup, qui va rebondir sur... les différentes... Un programme extrêmement chargé, mon cher Dondé, puisque... Alors, on peut déjà placer l'émission sous plusieurs totems. Je pense qu'il y a plusieurs anniversaires à souhaiter ce soir. L'anniversaire de Carles Puyol. Carles Puyol, ce défenseur ô combien érotique du FC Barcelone. Et il y a un autre anniversaire, chers amis, ce soir. Oui, un anniversaire un peu plus placé sous le signe de peut-être du masochisme et de la répétition, du labeur. C'est celui de Rudi Völler. Un anagramme, comme vous l'aurez compris, chers auditeurs, du... Lurie Lover. Lover, exactement. Rudi Völler, donc, et Carles Puyol qui nous accompagneront aussi. Avec Aphrodite. Ils sont là, salut Carles. C'est vrai salut qu'on a beaucoup de parrains, peut-être, ce soir. Rudi Rodboy, c'est ça, non? Exactement. Alors, il y a un autre anniversaire ce soir à souhaiter, c'est celui du Vicomte, figurez-vous, puisque ce soir, le Vicomte fête ses 26 ans. C'est ça, si c'est pas l'incarnation de l'amour, le Vicomte. Le Vicomte, c'est l'amour à Marseille. Un personnage sadien. L'amour est un petit peu rude, un petit peu teigneux. L'amour rentre dedans. Hein. L'amour rentre dedans, mais tout, l'amour quand même. Tout le contraire de notre dernier totem de la soirée, puisque comment placer une spéciale foot love sans bien sûr penser à l'ami Croquette. Croquette qui est quand même un petit peu l'inverse de l'amour rude, c'est l'amour tendre. Pacifique. Pacifique, voilà. L'amour qui vous tend des pièges, mais des pièges doux. Donc bonsoir à Croquette, et puis donc maintenant qu'on a placé un petit peu cette émission sous les meilleurs auspices, au sommaire ce soir, nous allons avoir un reportage sonore, un documentaire sonore concocté par vous-même, mon cher Dondé, et par vous, Brett, qui va traiter de quel sujet? Un beau sujet, Dondé, qu'on a creusé communément, qui est le projet MK Ultra. Ouais, donc c'est un projet, c'est vrai que c'est pas tout à fait du coup sous l'égide de l'amour. C'est plutôt sous l'égide de la manipulation mentale. Mais c'est vrai que le 13 avril 1953, figurez-vous que... Puisqu'on est le 13 avril. On est le 13 avril, tout à fait, lundi 13 avril, démarre un projet secret, illégal, mis en place par la CIA, qui vise à manipuler un certain nombre de ses agents, de militaires et de civils, afin, dans cette période de guerre froide, de tout simplement défendre ses intérêts. Et via la médication, notamment, et comment pourrions-nous dire, cher Brett, on donne, en fait, c'est des gens, des sujets, en fait, qu'on drogue à l'insu de leur plein gré, comme dirait Richard Brink, via du LSD, via des stimuli électriques, etc. Ouais, il y a eu des électrochocs. Ils ont tenté, en fait, toute forme de manipulation par des pressions, entre guillemets, extérieures, qui donc de la drogue jusqu'aux manipulations mentales, frustration, séquestration, abus sexuels même pour certains, enfin, toute forme de violence. Donc vous verrez extérieur. En fait qu'on est face à un champ assez large de la manipulation mentale, et c'est un projet qui s'achève, les dates sont assez floues sur la fin de ce projet, mais qui pourrait aller, certains disent que ça continue encore aujourd'hui, évidemment les théoriciens du complot, mais on a une certitude autour de la lettre de fin aux alentours des années 80. Fait, c'est apparu véritablement au grand public en 75, et donc a priori les fins officielles, si à début il y avait, si fin il y a, ça serait les années 80. Mais voilà, ça a alimenté aussi beaucoup cette grande théorie du complot généralisée avec les Illuminati, les écoles... Les footballeurs de l'OM. Mais comment des bâtons dans Giroud ne pouvaient pas s'emparer d'un tel sujet? Surtout qu'après, en se questionnant ce qui nous a interrogé avec Dandé, forcément nous en parlions autour d'une bière dans les bureaux de DBDGR. Mm-hmm. Et on s'est dit qu'il y avait quand même quelques comportements footballistiques qui pouvaient laisser planer un peu le doute sur les motivations des joueurs, s'il n'y avait pas des forces extérieures à tout ça. Et en fait, on s'est un petit peu penché sur la question. Et c'est vrai qu'on a, on a quand même dégoté un document top secret, exceptionnel. Ah, c'est quand même, c'est du lourd. Un petit, bah là, c'était un super jingle pour le c'est du lourd. Un avant-goût, voilà. Donc un document top secret que vous aurez la chance de découvrir en milieu d'émission en milieu d'émission. Très bien. Dans des bâtons dans Giroud, le projet MK Ultra, 13 avril 1953. Il y a tout juste 62 ans. Alors, dans cette émission, il y aura aussi la chronique de Coach Luc, que pour ce soir, nous baptiserons Croquine, puisqu'il traitera d'un sujet un petit peu coquin, cher Coach Luc. En fait, un sujet plutôt à la fois scientifique et politique, qui est de que se passe-t-il, quelle est cette histoire de faire l'amour avant une compétition? Est-ce une bonne chose, une mauvaise chose pour le sportif, les performances, etc. Et tous les dispositifs qui sont mis en place pour gérer cette histoire. Donc vous ne partagez pas ce terme de coquin. Croquine n'est pas un terme qui sied à votre chronique ce soir. Oui, mais ça va être fait de façon extrêmement, extrêmement sérieuse. On n'en entendait pas moins de vous, mon cher Coach Luc. Il sera question de théâtre aussi, plutôt en fin d'émission, avec une pièce de Robert Lamoureux, L'amour foot, écrite et créée en 1993. On n'en dit pas plus parce que ça sera une belle surprise, je crois, pour nos auditeurs. Et puis, on a plusieurs fils rouges, mon cher Brett. En effet. On a plusieurs fils rouges. Enfin, dont un. Enfin, des fils roses. Dont un, fil rose, tout à fait, Coach Luc. Et dont un, et d'ailleurs, pour une fois, nous nous sommes fondus d'un petit jingle. D'accord, oui, tout à fait. Je vois où vous voulez en venir. Vous essayez de me plaisir, mais vous ne piégez pas. Ah, bah, pas du tout, au contraire. Le Love United, c'est ça. On peut peut-être ajouter que évidemment, les auditeurs sont les bienvenus pour participer aux différentes et réagir aux différentes chroniques, temps forts de notre émission. Mais à quel numéro peuvent-ils appeler, mon cher Dundee? Eh bien, écoutez, tout simplement le numéro de Radio Galère, me semble-t-il, le 04 80 08 28 10. Ou bien, s'ils veulent envoyer un fax, le 04 80... Ah non, c'est pas un fax, c'est un deuxième numéro de téléphone. Un deuxième numéro, donc le 04 80 08 28 15. Nous sollicitons les âmes perdues ou les amoureux transis à nous appeler évidemment ce soir pour partager leurs émotions autour du foot et de l'amour. Alors, Love United, évidemment, puisque comment faire des bâtons d'Anguirou spécial foot love sans composer nous-mêmes notre équipe, la Love United Team, comme nous l'avons choisi. Pour cela, je vous propose, chers compères de l'émission, de choisir entre plusieurs joueurs potentiels pour occuper les différents postes du 11 de départ de cette Love United Team. Et pour ce faire, je crois, mon cher Brett, que nous allons commencer par le gardien de but et les défenseurs. Tout à fait, c'est ce qu'on s'était dit. Alors, avant ça, je vous propose de choisir la stratégie de l'équipe, puisque ça va un peu déterminer le nombre de défenseurs, de milieux, d'attaquants. Une stratégie en forme de cœur, tout simplement, avec un gardien de but Trois défenseurs, quatre milieux de terrain et trois attaquants. Une stratégie plutôt offensive, hein, comme vous l'aurez compris. Et une stratégie autre qui nous a été soufflée par l'ami Doud cet après-midi. Une stratégie en forme de but. Avec un gardien de but, trois défenseurs, deux milieux de terrain défensifs, deux milieux de terrain relayeurs, deux milieux de terrain offensifs et un attaquant. Voilà. À vous de choisir, à vous de débattre pour... 3-2-2-2. Le fameux 3-2-2-2. Ouais. Que je, d'ailleurs, je souhaiterais le dire à Björk, puisque Björk nous faisait part du fait que dans son imaginaire à elle, elle concevait le but de foot un peu comme un ovule, que voilà, les sportifs essayaient d'inséminer avec le ballon. Voilà. Alors j'en déduis, mon cher coach, que vous avez votre préférence vers la stratégie en forme de bite. En forme de Björk, oui. En forme de Björk, très bien. Ouais, Dundee, quel est votre choix de stratégie ? Le cœur ou la bite ? Oh, moi, c'est le cœur. Le cœur. Oui, le cœur, parce que le cœur a ses raisons. D'accord. Quant à vous, Brett ? Je vais opter aussi pour la stratégie en forme de cœur. Très bien. Très bien, c'est votre choix. Parce que j'aurais tendance à trouver que la stratégie en forme de bite est un petit peu partielle. En fait, on a une stratégie en forme de bite, on n'a pas son avatar qui aurait pu être la stratégie en forme de vagin. On a été incapable de la formuler. C'est pas possible. Dommage. Et puis, suivant l'expression populaire, on avait une stratégie qui est très très très éloignée du cerveau. C'est un petit peu embêtant. Et ce qui est quand même pas vraiment notre éthique à des bâtons dans le guéron. Alors, du coup, pour le poste de gardien de but, je vous propose le choix. Il faut en choisir un seul et le choix va être complètement difficile. Pascal Love Metal, c'est le premier choix. Thibaut Courtois, bien sûr. Love Metal, c'est le gardien de but corse. Voilà, bien sûr, c'est l'avatar de Pascal Love Metal, vous l'aurez tous compris. Thibaut Courtois pour l'amour courtois, hein, bien sûr, qui avait des lieu, et, voilà, des troubadours notamment. Alain Casanova, vous aurez compris pourquoi. Love Yashin, avatar de Lev Yashin, seul gardien de but Ballon d'Or. Et nous avons ajouté Sinok, exact, aussi. Parce que Zinok love Choco. Et que dans les buts, il a l'air assez bon. Alors à vous de débattre. Dans les buts, cher coach Luc, qu'est-ce que... Moi, je voterai Casanova. Alain Casanova dans les buts pour coach Luc. Dundee. C'est un choix complexe. Hein. Alain Casanova, c'est vrai que c'est plutôt le choix du séducteur. Alain Casanova, ce serait le gardien qui trouble. Il faut faire un choix un peu rapide quand même, mon cher Dundee. Bon, on a peut-être pas. Moi, j'aime bien le Sinok, en fait. Tout alors, Sinok dans les buts pour Dundee, ouais, mon cher Brett. Je vais avoir du mal à départager parce que moi, j'avais une forte envie de Love Yashin. Love Yashin. L'amour russe peut être intéressant, mais j'avais aussi un. J'hésitais entre Courtois et Casanova, alors peut-être que pour trancher, je pourrais dire Casanova, comme ça... Ce sera donc Alain Casanova dans les buts de la Love United. Parce que si jamais on n'avait pas un gardien commun de tous les trois, comment on faisait pour arriver? Oh, je ferai l'arbitre, d'accord, tout simplement. Okay. Hein, voilà. Ouais, je vais rester sur Love Yashin, alors. Alors, ça, Love Yashin... Manuel, vous choisissez. Et bien, alors, du coup, je vais choisir Love Yashin. Je suis désolé. Ouais. Love Yashin. Love Yashin sera dans l'amour les buts. L'amour à la russe. L'amour à la russe. Trépidant. On salue, du tuave. Coup, l'ami Nelly. Puisque c'est notre seul ami russe, donc on la salue. Et puis on l'aime beaucoup. Et qui allait à Marseille, il y a plus de chances de nous écouter que notre autre ami russe qui est en Russie. Tout à fait. On va passer aux défenseurs, chers amis. Il vous faut choisir trois défenseurs parmi Clara Morgan, évidemment, pour sa capacité à hypnotiser les attaquants adverses. On l'avait vu dans les vestiaires de l'OM. Hervé Alécart. On aura compris... Le jeu de mots facile concernant ce défenseur qui a dû user ses crampons du côté de Toulouse. Qui était un défenseur passoire, hein, voilà. Qui a écarté les jambes, peu importe le club où il était passé. Quoi. Hervé Alécart à Bordeaux, Hervé Alécart à Toulouse, Hervé Alécart voilà. Un peu partout. Quoi. Tout à fait. Donc on a donc Clara Morgan et Hervé Alécart. On a les fameux, bien sûr, et basiques Christophe Pignol et Jean-Luc Sassus. On va avoir aussi... Pardonnez-moi, mais... un Francis Lalanne, parce que Francis Lalanne, on ne pouvait pas ne pas le mettre dans la Love United Team, du moins dans les postulants, et parce qu'aussi on avait envie de le voir chevaucher sur l'aile gauche, cheveux au vent. On va avoir Paolo Maldini, bien sûr. Ça, c'était obligatoire aussi. Trifon Ivanov, l'ancien défenseur bulgare qui nous avait émerveillé à la Coupe du Monde de 1994. Et pour terminer, Dude, parce que Dude is love. Voilà. Dude is love, ouais. Donc, il vous faut choisir, mon cher coach Luc, trois défenseurs parmi les noms prémentionnés. Bon, ben, bah, je vais choisir donc Dude, Trifon. Oui. Et pour le troisième, j'ai une petite hésitation. Qu'est-ce qui pourrait aller le mieux ? Alors, je répète, hein, Clara Morgan, Hervé Alécart, Francis Lalanne, Paolo Maldini, Christophe Pignol, Jean-Luc Sassus. Je pense que Francis Lalanne et Dude feront un duo assez parfait et assez complémentaire. Donc, on a de votre côté Ivanov, Lalanne et Dude. Mon cher Dundee. Moi, je vais composer une défense homosexuelle. Donc, je vais mettre Jean-Luc Sassus. Il y avait, pardon, excusez-moi, mais c'est vrai que j'ai la mémoire qui flatte. Alors je répète, Pignol, Clara Morgan, Hervé Alécart, Jude, Lalanne, Paolo Maldini, Trifon et Ivanov. Donc c'était Sassus, Paolo Maldini, et donc et le dernier, et puis Christophe Pignol, bien sûr. Alors donc trois réponses différentes de l'ami coach Luc, ça va pas nous arranger. Mon cher Brett. Pignol, Sassus, Maldini, c'est ça ? Pignol, Sassus et Maldini. Ouais. Ah, ça sonne bien, dit comme ça. Moi, j'aime être Dude quand même. Alors, Dude a deux voix, Dude est dans l'équipe, ça c'est sûr. Ça me paraît quand même pas mal. Ça c'est sûr. Je crois que je vais mettre aussi Trifon Ivanov. Trifon Ivanov a deux voix, il est dans l'équipe Dude aussi. Dude et Ivanov côte à côte, c'est bien. Et c'est vrai que je mettrais bien au milieu de tout ça quand même. C'est trois défenseurs centraux là, hein. C'est pas côte à côte, hein. C'est tous les trois côte à côte. Alors le troisième, mon cher Brett, Maldini, c'est collé serré. Bon, Maldini au milieu pour gérer tous les deux. Et ben Maldini a lui aussi deux voix. Maldini, donc on a une défense composée de Dude, Trifon Ivanov et de Paolo Maldini, avec dans les buts Love Yashin. Voilà pour notre défense de la Love. Après, United. Il y a, c'est trois défenseurs centraux, mais l'un des défenseurs centraux a le dos tourné au jeu. Donc du coup, ça, il ne compte pas tout à fait comme les autres. Alors on enchaîne peut-être avec quelque chose de très spécial, mon cher Brett. Tout à fait, on enchaîne avec une chanson, si je ne m'abuse. Une chanson trouvée par Dundee, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, d'un certain Rémi Tarrier, dont moi je ne connais pas grand-chose, mais qui a écrit cette très belle chanson. Plus qu'une chanson. C'est plus qu'une chanson, et c'est pour ça que vous allez m'aider et m'expliquer à nos auditeurs pourquoi. Une chanson qui s'appelle « Il n'y aura pas de match retour ». D'où vient cette chanson ? Ouais, ouais. Bah, elle vient tout simplement du fait que bah, Rémi Tarrier, c'est ça ? Rémi Tarrier. Tarrier, hein. J'ai confondu Rémi Tarrier, Rémi Tallier. Rémi Tarrier, c'est un chanteur qui est peu connu. C'était très proche. Qui est peu connu, qui fan de foot, apparemment. Et effectivement, qui a eu des déboires amoureux, voilà, qui est tombé amoureux d'une gonzesse et qui a écrit une chanson. Love, et qui file la métaphore du foot autour de cette chanson. Donc c'est une chanson qui, dans les années 70, de toute façon, on est en plein. Plutôt vers le 1982, mais. Ouais, 1982, c'est la fin des années yéyé, quoi, j'ai envie de dire. Là, on est dans la fin, hein, quand même. C'est avant le début du punk. C'est pas mal, là, c'est la poigne de fer, si plus que. Oui, ben Rémi Tarrier, lui, il s'emmerde pas avec tout ça. Lui, la chronologie, c'est pas son truc. Lui, il a bien aimé les années Love des années 60. Et en 82, il prend une chanson à sa dulcinée. Et qu'on va écouter voilà, tout de suite, hein, j'ai l'impression. Exactement. J'ai beau passer et repasser notre rencontre au magnétoscope. Je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu la perdre. Quand je t'ai connu, j'étais hors jeu. J'attendais la mi-temps pour souffler un peu. Depuis un bon moment, je touchais plus un ballon. Je tournais en rond dans la surface de réparation. Pour réchauffer mes mains, je les mettais dans mon short. Et j'étais triste, comme une belle attaque qui avorte. Soudain, sur une passe lumineuse, ma vision du jeu se fit plus claire. Je t'ai tout de suite remarqué, démarqué près du poteau de corner. Une occasion comme ça, il n'y en a pas deux dans un match. j'ai pas hésité. Contrôle de la poitrine, reprise de volée en plein cœur. T'es belle comme un coffre de platine qui va dans la lucarne. Sensuelle comme un petit pont de pelé dans un mouchoir de poche. Moi qui suis comme un tir de rocheteau qui s'écrase sur le poteau. Imagine comme je fus étonné que tu m'aies sélectionné. Comment? T'es anglaise? J'ai le trac. Je n'ai encore jamais aimé au niveau international. Je songe à Liverpool et me souviens d'Ipswich. Dès le coup d'envoi, je comprends que ce sera très physique. Mais j'aime aller au contact. Épaule contre épaule, nous partons en une deux. Je sens que tu veux changer d'aile. Tu essaies de t'échapper par quelques feintes de corps. Mais je reste vigilant. Toujours à la limite de la correction. Jusqu'à cette putain de 89e minute, je jure, il n'y avait pas pénalty. Tu t'es laissé tomber toute seule. Résultat, lorsque j'ai protesté, tu as sorti ton carton rouge en me disant « Pour toi, c'est fini. Il n'y aura pas de match retour. Je ne pleure pas, non, c'est la douche. Au stade où j'en suis, je vais me pendre à la barre transversale. Et je veux qu'on m'enterre au Parc des Princes. Et pourtant... » T'es belle comme un coffre de Platini qui va dans la lucarne. Sensuelle comme un petit pont pelé dans un mouchoir de poche. Moi qui suis comme un tir de rocheteau qui s'écrase sur le poteau. Imagine comme je fus étonné que tu m'aies sélectionné. Sensuelle comme la pelouse de Wembley avant qu'on l'ait foulée. Ne me reste que ton maillot, l'odeur de ta sueur et la trace de tes crampons en bleu sur le cœur. T'es belle comme un tir de Platini qui me colle les cadres sur le poteau. Merci l'ami Rémi Tarier, pour cette belle interprétation de Il n'y aura pas de match retour. Alors maintenant, on va passer à un des moments très sérieux de cette émission avec la croquine de Coach Luc. On l'a dit au sommaire, une croquine qui va être à la fois politique et scientifique. On vous écoute, mon cher coach. Oui, donc je voudrais donc dédicacer, mais très sérieusement, hein, ma chronique à Zaya. Et donc, en termes de liminaire, en fait, donc, j'ai intitulé ma croquine « Faire l'amour avant de faire la guerre ». Et donc, le liminaire, c'est faire l'amour avant une compétition, consommer son mojo dans des rapports sexuels. Y a-t-il des effets secondaires sur le métabolisme comme vecteur de performance physiologique réelle ? Et le sexe avant un match comme épouvantail superstitieux et moral pour le sportif. Donc en avant-propos, je prends la Coupe du Monde qui s'est déroulée dernièrement au Brésil, donc la politique du sexe pendant cette Coupe du Monde 2014, et donc il y avait quelques apôtres du no-sexe. Donc abstinence totale pour le Chili, pareil pour le Mexique, hein, cher Manuel. Ouais, c'est le Mexique. C'est dur pour cette raison qu'il aime le Mexique aussi. Tais-toi, tu Mexique, j'ai envie de te dire, mon cher coach Luc. Donc Miguel Herrera, l'entraîneur, disait « Nous sommes là pour participer à la Coupe du Monde, pas pour faire la fête. S'il y a des gens qui arrivent vierges au mariage à 25 ans, mes joueurs peuvent bien tenir 40 jours sans sexe. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'ils ne sont pas prêts pour être des professionnels. » Donc abstinence aussi pour la Russie, la Corée du Sud et le Ghana. Pareil pour le Cameroun, sauf que dans le Cameroun, donc dans l'hôtel de l'équipe, des caméras ont été installées pour vérifier qu'aucune femme ne mettait les pieds dans les chambres des joueurs. Pour la Bosnie-Herzégovine, les rapports sexuels sont interdits, mais les joueurs sont autorisés à utiliser leur main droite en cas d'urgence. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les gauchers. Les joueurs du Costa Rica avaient le droit au sexe, mais uniquement s'ils se qualifiaient pour les huitièmes de finale. Donc, ça, on comprend mieux pourquoi, finalement, ils ont... Motive. Voilà. Alors, et vous me direz, et la France dans tout ça, hein, parce que ça nous intéresse un petit peu. Donc, la France... Donc, après 25 jours de séparation, donc les WAGS... Donc les Wives and Girlfriends, femmes et compagnes officielles des joueurs de l'équipe de France, sont amenées au Brésil dans un avion spécialement affrété par la Fédération Française de Football. Donc quartier libre à Rio pour tous pendant 24 heures, trois jours avant le dernier match du groupe E. Donc sur le coup, donc Didier Deschamps et la Fédération Française offrent cette récompense aux Bleus pour service rendu à la patrie. Donc on ne saura pas si les joueurs avaient pour obligation de chanter la Marseillaise pendant le coït. Mais bon, voilà, Coupe du Monde 2014, au final, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Et les Allemands avaient leurs épouses avec eux. Tout du long de la Coupe du Monde. Voilà. Ah, voilà. Une recette. Une vraie différence. Ouais. Mmh. Donc il y a plusieurs hypothèses scientifiques et philosophiques hein, qui se superposent pour cette histoire de rapport sexuel avant la compétition. Donc le premier, c'est l'explication chimique, qui consiste à associer la puissance sexuelle à la performance sportive. Donc la testostérone est une hormone stéroïde androgène puissante et précieuse pour le corps, sécrétée à 95% dans les testicules et contrôlée par l'hypothalamus. Donc la testostérone a un effet anabolisant. Donc ça influe sur la croissance musculaire, la récupération, l'agressivité, l'énergie et le tonus constant. Donc l'acte sexuel accroît le taux de testostérone circulant dans l'organisme et donc produit une forme naturelle de dopage. Mais alors bon, est-ce que c'est assez pour atteindre ce qu'on appelle au niveau sportif le dop niveau ? Donc en deuxième partie, donc au contraire, hein, on dilapide sa concentration et son influx. Donc l'abstinence est pensée comme une sorte de médecine de grand-mère par peur de perdre toute énergie. Alors, il faut savoir que dans l'Antiquité, hein, le sperme était considéré comme un fluide vital dont la perte était préjudiciable à l'athlète dans ses performances. Ce qui était remis en cause n'était pas l'acte sexuel en soi, mais l'éjaculation, ce qui rajoutait en plus donc à l'acte sexuel l'interdit de la masturbation. Donc cette mythologie existe encore un petit peu aujourd'hui. Donc une étude sponsorisée par Durex a été menée en Belgique sur les joueurs du club de football le Germinal Berchot. Les cobayes couraient le lendemain d'une nuit d'amour ou d'abstinence sur un tapis roulant. Bon, rien de concluant n'est vraiment sorti sur le plan physiologique de cette étude, si ce n'est que la plupart des sujets testés ont atteint plus rapidement leur fréquence cardiaque maximale et produisaient plus de lactate aux différents niveaux d'un effort lorsqu'ils avaient fait abstinence. Donc au bout du compte, cette étude ne mène à rien car elle sépare la performance sportive du contexte où elle devait avoir lieu. Il faut quand même comprendre qu'un match de foot, ça n'a pas grand-chose à voir avec le fait de courir sur un tapis. On ne peut pas faire l'impasse de la dimension anxiogène de la compétition, qui va stimuler les uns et inhiber les autres. Donc les conditions de match, contrairement à un tapis, vous imposent un réel adversaire avec toute la rage de stimulation que cet ennemi humain engage. Autre chose, bon, il paraît un petit peu évident que cette question de dépenses énergétiques hein, dépend en réalité de l'intensité des débats. Hein, celui qui va copuler toute la nuit dans une hyperactivité débridée sur un tempo effréné va forcément être un peu épuisé au matin. Le manque de sommeil et la dépense physique mise en œuvre se répercutent forcément dans les performances sur le terrain. L'autre chose, dernière chose que je pourrais dire par rapport à cette étude scientifique, c'est qu'elle ne prend pas en compte la complexité romantique et fantasmatique de la sexualité dans son protocole expérimental. La psyché humaine dans l'acte d'amour fait que ce n'est pas en soi un acte de pure biologie mécanique. Je crois qu'au-delà du mécanisme physique et des substances chimiques médiateurs de sexe, de l'anatomie fonctionnelle de ces processus musculaires, vasculaires, neurologiques et hormonaux, il y a un érotisme pulsatile en œuvre. Un processus intellectuel sensible et relationnel qui relève du système cognitif, de la représentation cérébrale, autant que du sentimentalisme en tant que phénomène actif. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter pour développer la même pensée quant à la pratique du football qui est la nôtre, qui ne doit pas nier sa dimension érotique. Et d'ailleurs, je pense que dans des bâtons d'Anguirou, nous sommes tous d'indécrottables érotomènes du foot. Donc, la troisième partie, donc je l'intitulais Mother Soccer. C'est donc certains sportifs pratiquent l'abstinence comme moteur d'agressivité et de frustration positive. Il s'agit de sublimer les pulsions animales et de détourner le désir sexuel dans l'effort sportif pour se donner corps et âme à la bataille. Pas d'autre plaisir en vue que de gagner, pas d'autre désir en vue que la victoire, la jouissance est dans l'anéantissement de l'adversaire, l'orgasme est dans la gloire du champion. Quatrième partie, donc le sexe comme médecine préventive et antidépressive. Donc, d'autres, au contraire, prennent une position plus libérale et hédoniste dans la satisfaction sexuelle comme mode de relaxation persistant, comme élément de plaisir libérateur des tensions, qui permet au contraire de canaliser l'angoisse et favoriser un sommeil réparateur. Donc le vrai Ronaldo, le Ballon d'Or 97 et 2002, déclarait « Du sexe 2 heures avant le match, voilà le secret de ma réussite, ça détend et ça rend heureux. » Donc il faut aussi prendre en compte que le sportif de haut niveau a un mental en cristal et que c'est important pour lui, enfin pour ses joueurs qui sont enfermés dans une compétition, puissent par moments s'évader du football et retrouver des moments de semblant de vie normale qui les reconnectent à la réalité. Ça leur donne une meilleure stabilité émotionnelle et ils sont mieux dans leur tête ensuite. Donc en cinquième partie, j'ai appelé ça les causalités éthiques et politiques, donc qui vont venir s'ajouter aux précédentes. Donc c'est la politique de la libido de chaque entraîneur, qui est fonction des sensibilités personnelles de l'entraîneur, mais aussi du climat moral et du degré de superstition régnant dans chaque pays de la sélection concernée. Donc en petit A, vous avez donc la question morale, hein, qui était un peu dite tout à l'heure, on est venu pour gagner, on n'est pas là pour s'amuser. En petit B, donc, c'est à nouveau jouer sur la réponse pavlovienne à la frustration, donc c'est le repos du guerrier et la récompense. Donc c'est un petit peu quelque chose d'infantilisant. En petit C, donc, c'est la domination martiale de l'entraîneur, qui dit à ses joueurs « votre corps m'appartient ». Donc pour infantiliser les joueurs afin de garder un contrôle maximum sur eux. Et c'est un petit peu pour la même chose pour les fédérations, qui font, c'est une manière de dire « comme c'est moi qui vous paye, vous êtes mes putes à moi seul, pas celle de vos femmes, pas celle des médias, pas celle de vos clubs ». Donc le tout se fait dans un climat paranoïaque de grandes compétitions internationales, où se construit un enclos fermé, qui développe un état d'esprit commando, pour créer une cohésion collective entre joueurs, qui s'emploie à développer un esprit d'équipe en dehors du terrain, afin que tous aient le même vécu et qu'ils ne s'isolent pas dans leur couple. Donc en petit dé, il y a le facteur psychologique, avec la crainte que le joueur vienne ramener ses problèmes de couple dans la compétition. En petit e, c'est la relation paternaliste du manager à ses joueurs, parce qu'un entraîneur est aussi un éducateur spécialisé. Donc dû au fait d'avoir affaire à des adolescents millionnaires, conscients de l'effet de leur aura de célébrité, mais incapables de lui donner un sens dans la réalité, donc à qui on ne peut faire confiance, sur la question de la retenue et de la responsabilisation. En gros, c'est éviter les dérives de débauche et les sorties en boîte de nuit pendant la compétition. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les entraîneurs préfèrent que les joueurs fassent leur devoir conjugal plutôt que de faire des galipettes insensées avec des fans ou des professionnels. Bernard Tapie lui-même avait expliqué qu'un jour, il avait convoqué des call girls à l'hôtel où était descendue son équipe, estimant qu'il valait mieux fournir soi-même le matos plutôt que de prendre le risque que les joueurs aillent faire n'importe quoi en boîte avec n'importe qui. C'était à Paris, je crois. Oh, ah. Merci. Et donc je passe. Jamais été pris au piège de ce jeu. Je passe directement au petit Z. Oui, faire l'amour avant le match met aussi en question deux formes de superstition que j'ai appelées le corset religieux et l'éthique vaudou. Donc sous petit 1 du Z. Donc la religion comme superstition. Donc bon, moi, c'est le péché de chair. Donc, je ne vais pas développer plus en avant cette éthique moyenâgeuse des rapports humains prônée par les cubénis et les éjaculateurs précoces de toute confession religieuse. En petit 2 du Z, donc c'est la superstition vaudou. Donc elle fait partie de la culture du sport. La superstition fait partie de la culture du sport et de sa pensée sauvage. Hein. C'est la pensée magique. Ça commence par des gestes et des rituels religieux ou par des breloques fétiches ancrés dans des rituels individuels. Rituels individuels qui s'expriment aussi à travers la sexualité, qu'elle soit aussi bien individuelle qu'institutionnelle. Et en conclusion, et en forme finalement une conclusion qui réouvre un peu les choses aussi. Donc voilà, il faut. Donc étant donné. Grand A, les Anglais sont les inventeurs du football. Donc, étant donné grand B, une grande étude scientifique anglaise a montré que des rats à qui on ne laisse pas la possibilité de copuler ont une espérance de vie nettement plus courte que ceux qui peuvent le faire. Donc voilà, je vous en laisse tirer la conclusion que vous voulez. Le débat est ouvert, mon cher coach Luc. Merci beaucoup pour cette croquine. Que peut-on dire ? Peut-être il faut un petit peu réintégrer toutes ces données que nous venons d'avoir. Il faut que ça mature un petit peu. Il faut que ça mature un petit peu. Déjà, quelle position prenez-vous ? Est-ce que vous êtes pour ou contre le sexe, le rapport sexuel avant une compétition sportive. Est-ce que vous-même vous pratiquez avant vos matchs du lundi? Mais je crois que c'était, je ne sais plus quel boxeur, tennisman ou autre sportif de très haut niveau qui disait que je crois que c'est vous, coach Luc, qui m'en aviez parlé. Je suis pas sûr de ça, mais. Il y a peu, qui disait que lui, avant chaque match important, il avait l'habitude d'accomplir son devoir conjugal et que c'était très bien comme ça et que ça ne changerait pas et qu'au contraire, un footballeur ou un sportif en général heureux en amour et en ménage était un footballeur ou un sportif en général heureux et accompli sur le terrain, donc... Moi, j'aimerais bien poser la question dans l'autre sens. Par exemple, est-ce que après un rapport sexuel, je vais avoir une pratique sportive? Je trouve ça peut-être plus intéressant à notre niveau de pratique sportive. Enfin, oui, voilà, ou à notre niveau de rapport sexuel. Faut voir aussi tout ça, quoi. Mais vu que les grandes compétitions internationales, maintenant, c'est plus vraiment pour nous, même si on l'a fait beaucoup. Mais non, mais on parle pas de juste après. Hein, on parle peut-être du lendemain. Mais quand je disais juste après, je disais pour en ce sens-là. Mais je veux dire. En même temps, les compétitions internationales, en ce qui nous concerne, c'est un petit peu fini. Parce que dans ce cas-là, sauf la Marseillaise mondiale de pétanque, par contre, c'est quand même. Et puis ceci dit, au foot cet après-midi, il y avait Bord, qui est norvégien, donc quelque part ça et Benfoot, qui est allemand. Ah, non, genre pour le côté international. Voilà. Je pensais, oui, j'ai essayé de voir le côté rapport sexuel, mais non, ça, par contre, je l'aurais pas posé la question, mais. Ok. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'on a un petit peu. Une présentation exhaustive en fait des cas appliqués par chacune des équipes nationales. On a parlé du Mexique, on a parlé de ci, on a parlé de ça. Alors, une question, ce serait au final qui gagne et quelle est la politique qui a été appliquée? Et est-ce que selon les compétitions internationales, on se rend compte qu'en fait il y a une certaine logique, une certaine continuité, une constante effectivement dans les pratiques qui sont appliquées? Bon. Ça, c'est une question, je ne suis pas sûr qu'on puisse trancher ça. Moi, j'ai l'impression par ailleurs qu'en fait, au sein d'une équipe de football, effectivement, on a beau dire, c'est un collectif, effectivement, il y a un collectif sur le terrain, il y a ensuite des personnalités, il y a des sensibilités, et à l'intérieur de ça, finalement, on doit pouvoir laisser... La question principale, c'est celle du libre arbitre. Il faut y venir à un moment ou à un autre. Ah ouais. Mais évidemment, comment on fait à un moment donné, s'il se trouve que un tel est plus performant en ayant une relation sexuelle avant le match et un autre pas, finalement c'est le boulot de l'entraîneur ou c'est le boulot de l'entraîneur de laisser ça. Après, il faut effectivement imposer des règles. Donc, mais est-ce que le libre arbitre a lieu d'être aujourd'hui dans le football de très haut niveau? Voilà, ça c'est une question subsidiaire. C'est une question subsidiaire, effectivement. Quoi. Mais du coup, est-ce que la question de la pratique sexuelle à l'intérieur du haut niveau peut être tranchée à l'aune de cette question qui est de vouloir tout régenter, etc. En même temps, la liberté des arbitres, je ne vois pas ce que ça vient foutre ici. Bon, en tout cas, visiblement, malheureusement pour nos auditeurs, on ne pourra pas répondre ce soir. Mais c'est vrai qu'on a des cas par exemple. Par rapport aux arbitres, il y a ces choses qui sont criées à chaque match, qui peuvent éventuellement, finalement, se dire que oui, chacun est libre de sa sexualité. Oui, mais ça sous-entend après le match ou pendant le match. Vous parliez, Manu, d'un exemple tout à l'heure. C'est Fabio Cannavaro qui a livré cette interview. C'était vous, Dundee, alors. Il y a quelques années, qui disait que lui, il lui semblait que pour être, j'allais dire, un homme accompli, c'est pas ça, mais en tout cas, pour se sentir vivre, notamment, et la pratique du football. Tout dépend aussi de la manière dont on a envie de pratiquer le football, etc. Alors, mais que c'était, et il valait mieux être heureux dans la vie de tous ses accomplissements. Bah, du coup, je retire un peu mon exemple, parce que pour un joueur de foot qui a fait autant de mal au football en général, que Fabio Cannavaro, et à qui on a filé un ballon d'or. Voilà, donc je pense que c'est un peu le scandale du football depuis son invention, à peu près. Fabio Cannavaro. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a peu de. En tout cas, il y a peu de scandale à ce sujet. Cannavaro, c'est quelque chose qui est assez bien tenu. Je crois que Cannavaro a couché pour avoir son ballon d'or. C'est vrai que finalement, on a peu... Il n'était pas avare de ses jambes, Cannavaro. Non. Mais tiens, hop, le petit jeu de mots, là. Alors, on va enchaîner, hein, si vous voulez bien. On va enchaîner avec... tout un tas de choses. Ah bah on va parler d'un truc qu'on va écouter d'abord et on va revenir dessus parce que ça va être l'occasion d'un nouveau débat. Ah. Et on sait qu'on aime le c'est débat. C'est un peu le grand débat de la soirée. Ça va être un petit peu le grand débat, même si on a vu que les coucheries d'avant-match. Ça a suscité la discussion. Ça a suscité la discussion. Pas facile à dire susciter la discussion, non. Mais on le dira qu'une fois ce soir. On l'a déjà dit. À défaut de la capitale. Allez hop, on écoute. Qui attendent votre démission ? Rien, j'ai juste une chose à dire là aujourd'hui, c'est. J'ai fermé la parenthèse, j'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle. Donc c'est aujourd'hui que je lui demande, vraiment. Je sais que c'est difficile, mais c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de tout le monde et moi j'ai besoin d'elle. Bah, merci Raymond, je suis sûr que c'est un moment qui la marquera. Ah, c'est dommage que vous ayez arrêté, mon cher Brett, l'extrait à cet endroit-là, parce qu'après on a une belle intervention de Thierry Roland. Qui dit, je vais laisser l'imitation à Dondé parce qu'il le fait très très bien. Thierry Roland dit. Oh, ben quel dommage on aurait dû être invité à la noce. On espère être invité à la noce. Voilà. Oui, j'ai bien aimé le passé pour signifier que Thierry Roland avait passé l'arme à gauche depuis. Et puis que la noce n'a pas eu lieu, surtout. En plus, la noce n'a pas eu lieu. Alors, du coup, on ouvre le débat. Ils sont pas mariés après coup ? Et je crois qu'ils sont toujours pas mariés. Hein, voilà. Non. Un coup d'épée dans l'eau encore. Ouais, j'ai l'impression, pauvre Raymond. On ouvre le débat et du coup, on va, j'imagine, recevoir le standard doit exploser, là, mon cher Brett. Ah ouais, j'ai plus assez de bras pour répondre au téléphone. On ouvre le débat et la question ce soir est est-ce que c'est cool, est-ce que c'est bien de faire sa demande en mariage dans un stade ? Je suppose que sur le plateau, déjà, tout le monde a un avis. Vous, coach Luc, vous, Brett, vous, mon cher Dondé. On va commencer par vous, Dondé. Quel est votre avis sur cette question ? Bah, moi, je trouve ça pas mal du moment que ça se passe bien. C'est-à-dire qu'on prend des gros risques, quand même. Bon, on a, pour parler un petit peu sérieusement, on a un espace qui n'est pas du tout dévolu à ça. Et puis, on a un effet de mode. C'est-à-dire que une demande en mariage, bon, on a toujours l'idée que c'est un petit peu grandiloquent et qu'on doit mettre les moyens dans la manière de faire pour que, en tout cas, ben, après, on est toujours en train de parler du fait que ce sont des gars, mais puisque c'est plutôt ça qui se passe, quoi, que ce sont des hommes quoi, qui font leur demande en mariage dans les stades, etc. Bon, bref, la tradition voudrait que les hommes demandent en mariage. Enfin, bon. Et du coup voilà, on a cette idée un petit peu, cet effet de mode qui fait que bah voilà, il faut que ce soit un instant marquant. Aujourd'hui, les instants marquants passent notamment par la publicité des demandes qui auparavant étaient des demandes intimes. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de demander sa femme en mariage dans un stade ? Moi, je trouve que c'est une idée vraiment pourrie. Une idée pourrie parce que pour plusieurs raisons en fait. D'une part parce que je trouve ça vraiment ringard, débile et en plus, je sais pas, ça fait partie d'un état d'esprit où voilà, faut un peu. Vous avez subi un échec vous-même, cher Dondé, dans un stade déjà ? Public ? Oui. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé, mais j'ai pas eu l'idée de le faire. Hein. Non, d'accord. Donc mais ensuite, on voit que 100% de réussite dans un stade. Ouais, pour vous. Et puis c'est vraiment bon. Bah, puisqu'on en est à parler d'amour, je suis pas certain qu'en fait les femmes potentiellement amoureuses des gens qui font cette demande en mariage aient envie de ça. J'ai l'impression que c'est vraiment un truc. Tout à l'heure, on était dans la testostérone. C'est vraiment le truc qui fait rêver le mec de faire lever en fait les foules autour de cette demande en mariage. Après, il y a toute cette question de, je sais pas. Pour moi, c'est quelque chose qui est d'une culture un petit peu américaine en fait. Alors voilà, parce qu'on peut, on peut parler de tous ces exemples de demandes en mariage avec caméra à l'appui, écran géant dans les stades de basket, de football américain, etc. On voit ça souvent dans les séries américaines. Oui, je crois que c'est parce que, pour compléter, c'est quand même fait partie des gens qui ont envie d'un petit peu de spectacle. Il y a quand même une espèce d'amour du spectacle, ça va bien avec les ricains et tout ça. Je pense que là, en l'occurrence, c'est Estelle Denis qui devait présenter l'émission 100% foot après ce match en question et qui, à mon avis, n'avait pas du tout envie de ce genre de spectacle. Déjà qu'elle a subi Pierre Ménès pendant toute une saison, qui lui a fait des vannes toute la saison. On lui donne notre coup de chapeau. Hein, ouais, qui lui a fait des vannes toute la saison sur Domenech. Il était quand même marié à Domenech, je pense. Que ça, si ouais, mais pas, là, en carapace. Fait, bah, non, bien sûr, mais je pense qu'elle a. Et puis, en général, c'est quelque chose qui est pas forcément préparé à l'avance, mais quand même quelque chose où il y a un contexte. Là, je pense que c'était simplement un retournement de veste suite à la déculottée terrible, et qu'elle n'a pas du tout apprécié d'être mise en tampon. Le débat prochain pourra être est-ce que Pierre Ménez est plus sympa que Raymond Domenech ? C'est pas sûr. Pour ma part. Et eux-mêmes sont-ils plus sympathiques que Estelle Denis ? Non, puis c'est pas sûrement plus. Servir de paratonnerre à une défaite cuisante, je pense que ça fait pas vraiment rêver, quoi. Non, mais là, on prend le cas de Raymond Domenech, qui était vraiment l'introduction au sujet du débat. Est-ce que c'est cool ou pas Alors, de faire sa demande en mariage dans ce stade. Un autre exemple qui peut peut-être vous alimenter ce débat, c'est l'exemple de, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce joueur qui s'appelle Vladimir Smisser, qui a officié au Racing Club de Lens et dans ce club un petit peu obscur de la Gironde. Oui, et puis il a joué à Arsenal aussi. S'est marié lui-même dans un stade. Alors il n'a pas fait sa demande dans un stade, mais il s'est marié dans un stade. Il en a l'air aujourd'hui extrêmement heureux. Coach Luc, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet ? Moi, je pense qu'il y a deux choses à prendre en ligne de compte. Il y a le lieu, il y a la situation. Donc le lieu, c'est le stade, et le stade peut être considéré finalement comme une nouvelle forme de temple. Et donc dans ce cas-là, on peut trouver une certaine logique par rapport à ça. Après, il y a ce que j'appelle la situation, c'est-à-dire c'est la présence d'un public. Et ça, c'est ce que Brett disait finalement, c'est le côté un petit peu théâtral de la chose. Et finalement, on se donne un petit peu en spectacle. Voilà, c'est un petit peu avoir son petit quart d'heure de micro-célébrité en termes de pli. Et c'est ce que disait très bien Dondé avec les Ricains. Il y a quand même vraiment. C'est toujours pareil. C'est le truc qui part d'une idée. C'était un peu ça aussi. C'est à un moment donné cette question de la mise en scène et d'acter. En fait, c'est le nouveau type. Un petit peu de rituel. C'est-à-dire que, en fait, il y a une question aujourd'hui dans les rites de passage, entre guillemets, qui sont ceux, par exemple, du passage de le mariage, la mort, etc. Il y a des nouvelles mises en scène qui se mettent un petit peu en place, et puis je pense que ça en fait partie, notamment cette publicisation de, en fait, la demande en mariage, qui est une sorte de validation publique de l'intime, c'est-à-dire qu'on fait sa demande, voilà. Donc je pense qu'effectivement il y a cette propension des Américains, des États-Uniens, voilà, l'Amérique du Nord en fait, à se saisir en fait du micro, lâcher un petit peu les chevaux en public, etc. Mais on voit aussi très bien qu'en fait les situations se retournent contre ces gens-là. Et de l'autre côté, bon, effectivement, il y a cette idée-là, peut-être l'idée du temple, encore que. Faudrait-il qu'il y ait un juge en fait de tout ça là. C'est simplement une question de. Il y a un juge, il y a le public qui est dans la réaction, etc. Moi, je pense que c'est simplement une question de médiatisation en fait de ça. Sur, il y a autre chose que. Parce que je voulais dire. La demande en mariage, enfin, je veux dire qu'elle se fasse dans un stade, dans un restaurant, dans la rue, etc. Il est toujours question à un moment donné de créer une situation. Où on va se mettre finalement en scène et intervenir au milieu d'un public qui va pas forcément être averti. Mais l'idée quand même, c'est d'impliquer quelque chose et de aussi peut-être un peu jeter son bonheur à la face du monde. Hein. Oui, ou plutôt de faire que puisqu'il est jeté à la face du monde, c'est un bonheur. S'il n'est pas jeté à la face du monde, il est moins immense, ce bonheur. Il y a un peu ce genre de société du spectacle. Aussi, je trouve de lier en fait son destin. Moi, ça, je trouve ça intéressant en fait de lier son destin à l'histoire d'un club et à l'histoire de. Je parle de sa médiatisation, mais finalement de sa. Ouais, c'est ça, c'est sa médiatisation. Par exemple, alors du coup, un effet un petit peu plus glauque, c'est par exemple les supporters de Boca qui se battent tous pour être enterrés en fait sous la pelouse du stade de Boca. Bon, du coup, c'est un peu près la même chose. À nos auditeurs que ça se passe en Argentine. Ça se passe en Argentine, effectivement, c'est le stade de Boca Juniors, c'est la Pomponera, c'est ça. Et non, la Pomponera, c'est. Oui, mais il y a la Bombonera, c'est le stade de la Boca, je crois. Ouais, hein. Pour les demandes en mariage, il y a un petit côté un peu familial. Tu sais, on est quelque chose d'ordre un peu identitaire, comme c'est ce que tu disais, mais il y a un petit peu quelque chose d'ordre familial. Au lieu, finalement, d'une certaine manière, de demander la main de quelqu'un à ses parents, à sa famille, etc., bah là, en fait, le substitut de la famille, c'est le club, c'est le stade, c'est les autres supporters, etc. Ouais, voilà, c'est l'identification, un club qui peut aller en fait de la demande en mariage jusqu'à la mort, etc. Moi, ce que j'ai vu, c'est que du coup, par rapport à ça, il y a notamment des clubs qui mettent en scène, en fait, pour faire de la communication autour de leur club, qui mettent en scène, en fait, des mariages ratés. Mmh, mmh. Voire même, ou même des rapports sexuels, mais c'est autre chose. Mais j'ai vu qu'il y avait un club anglais qui aimait... À Bolton. Ouais. Oui, tout à fait, qui a fait une pub avec des fausses caméras de surveillance. Avec un couple qui faisait l'amour sur le rond central, ouais. Et c'était, en fait, ils ont avoué après que c'était simplement un coup de buzz. Donc moi, je pense qu'en fait, ces demandes en mariage dans un stade, mis à part Raymond Domenech qui à un moment donné pète un plomb, peut-être, avec ça. Pour le coup, qui a une vraie demande spontanée, mais qui n'est pas dans le stade, mais mine de rien, qui se fait quand même, la télévision, quand même, etc. Ouais. En tout cas, il n'est pas dans le public du stade. Il est dans le public télévisuel, mais pas dans le stade. Il est dans le stade, mais il n'est pas sur le terrain. Mais il est quand même dans les vestiaires. Il est dans les vestiaires, ouais. Mais on a quelque chose comme ça de la communication d'un truc. Bon, moi, je trouve que ça, c'est vraiment... Bon, alors. C'est pourri, mais après, voilà. On a bien compris que vous ne demanderez pas, mon cher Dundee, votre dulcinée dans un stade, en mariage. Coach Luc, vous avez l'air assez sceptique aussi. Parce que pour moi, ça relève quand même un petit peu. Hein, pour Domenech, là, c'est carrément psychotique, mais même sinon, je pense que ça relève quand même un petit peu de la névrose collective, et je pense qu'on n'est pas loin de la maladie mentale quand même. Je reste assez fan de la demande en mariage. Alors, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Oui, mais vous êtes un outsider, Brett, aussi, c'est pour ça. J'allais vous poser cette question, puisque c'est. Vous nous l'avez avoué juste avant l'émission, vous projetez de demander votre dulcinée en mariage très prochainement. Est-ce que vous allez le faire dans un stade ? Non, je vais le faire par texto. Je trouve par que texto. C'est plus classe. Ouais. Mais j'ai tellement rompu par texto. ma demande de mariage se fera par texto. Je trouve que c'est la classe absolue. Si je peux ajouter un truc à ça, pas rigolo. Ou avec Twitter. C'est qu'en fait, c'est de l'ordre de la mise en scène. C'est-à-dire que le mec qui décide de venir et faire sa demande dans un stade en mariage de manière inopinée, comme ça, qui déboulerait sur le terrain, ouais, qui saisit le micro du speaker du stade et qui demande sa nana en mariage, qui pourrait être pour le coup un coup de Trafalgar de l'amour, ça n'existe pas. C'est-à-dire ça n'existe plus, ouais. Je pense que ça n'a jamais existé, en fait. Mais du coup, toute cette mise en scène pour, à un moment donné, en faire un moment médiatique, un moment télévisuel, un moment de communication autour de je ne sais quoi, des pubs, et si, etc. Ça, effectivement, je pense que... Bah, si vous me permettez d'intervenir et peut-être de conclure ce débat, parce que peut-être qu'il faut qu'on passe à autre chose. Un petit peu enchaîné, ouais. Moi, je me dis que tout ce qui compte, c'est finalement à la fois la demande et la réception, et qu'à partir du moment où le demandeur et le récepteur de cette demande sont heureux de ça. Tu vois qu'il y a un côté, Chardonnay, un peu spectaculaire, un peu inattendu, un peu inopiné, un petit peu aussi et moustillant dans cette demande. Si ça se passe dans un stade parce que ces deux personnes-là ont cette habitude-là de côtoyer, se sont rencontrées dans un stade, voilà, moi je me dis que si ça aboutit à l'amour, eh bien... Bamos. Bamos, ouais. Par les fous. Julien Doré avec son hommage à Michel Platini pour continuer cette émission, et on va aboutir maintenant un peu au gros moment de l'émission, qui est le moment de notre création documentaire sonore. Cette semaine, c'est... En avant-première mondiale. Ah, c'est une avant-première mondiale. Cette semaine, c'est nos chers amis Brett Sinclair ainsi que Don DeLillo qui se sont pliés à l'exercice du documentaire sonore. On l'a dit en introduction de l'émission, sur ce projet américain un petit peu spécial. Vous nous en redites deux mots avant de l'écouter ? On peut refaire un projet, oui, un petit rappel du projet MK Ultra, donc un projet monté, alors la date d'ouverture d'Ondé, c'est le 13 avril 1953. 53 pour les non-hispanophones qui nous écoutent, et donc un projet qui vise le MK de MK Ultra vient de Mind Control, donc qui serait le contrôle de l'esprit, qui d'a priori, le K viendrait du coup de l'allemand, et donc du coup des techniques nazies employées par nos terribles ennemis. Terribles ennemis nazis, oui, effectivement, de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il est bouillant. Non, mais c'est vrai, mais on se rend compte. Bah, il faut dire quand même, cher Brett, que c'est l'aboutissement d'une vingtaine d'années de recherche. Où on a passé tous nos week-ends à un petit peu réfléchir entre les connivences, effectivement, entre des chercheurs nazis, les immigrations, en fait, de ces chercheurs, les passerelles et les liens qu'il pouvait y avoir entre, en fait, les États. Puisque, finalement, ce qui se passe, c'est ça. C'est le lien entre les États pour contrôler des populations, pour contrôler les populations et leur politique extérieure, etc. Et que, du coup, effectivement, la question du mind control qui vient peut-être de l'Allemagne, avec des guillemets, mais en tout cas, on a notamment un des chercheurs de la CIA qui s'appelle Sidney Gottlieb, qui aurait fait le lien entre ces différents ces différentes étapes dans le contrôle humain. Mais nous, Brett et moi, avons cherché, avons gratté, et finalement, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de parallèles à établir avec le football. Et que nombre de footballeurs passés, actuels, entraîneurs, ont fait l'objet, certainement, d'une manipulation mentale, comme on a pu le voir. Surtout que c'était des cibles privilégiées, ça saute aux yeux quand on y pense, mais voilà. On va écouter ce... Écoute, la question, j'espère, à laquelle vous allez répondre, c'est est-ce que le projet MK Ultra est love ? Ça, il est complètement question. Love, mais il est complètement love, cher Brett. C'est vrai qu'on s'est rendu avant tout, compte. Mais complètement love. Ouais. Il est surtout WAP, ça c'est vrai. Brett a raison de le souligner. Bon, on va écouter, on se fera une idée après coup. Mind sciences, or the study of human behavior in relation to the mind, is the newest of all the arts. It's less than 100 years old. And it is by far the one that is most cloaked in secrecy. Le projet MK Ultra était un programme de contrôle mental. Le projet MK Ultra, dévoilé en 1975, est le nom du code d'un projet secret illégal de la CIA des années 1950 à 1970 visant à manipuler mentalement certaines personnes par l'injection de substances psychotropes. En 1977, l'administration Carter enquête sur les allégations qui veulent qu'un programme tel que le MK Ultra existe. Cette enquête ne donnera aucun résultat. Cet homme sait pourtant que le MK Ultra a bel et bien existé. T'as joué au football déjà ? Non. Je pense que tu devrais essayer, parce que quand tu gagnes, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Un document MK Ultra de 1955 donne une indication de l'ampleur de l'effort consenti. Ce document fait référence à l'étude d'un assortiment de substances qui altère l'esprit comme suit. Substances provoquant un raisonnement illogique et une impulsivité au point que le sujet se discréditera en public. Je comprends pas la question. Ouais, c'est moi, je comprends pas la question. pourquoi elle a fait du bien? Excuse-moi, on a gagné un match. Puis je suis content parce que, bah, l'espace d'un instant, les mécréants vont fermer leur gueule. Et ça, ça me plaît, quoi. Voilà, j'espère qu'ils vont encore fermer leur gueule un paquet de fois. Voilà, jusqu'à la fin de saison. Et que, en fin de saison, mais qu'ils ferment leur gueule jusqu'à la fin de saison prochaine. Substances et méthodes physiques produisant l'amnésie des événements se déroulant avant et pendant leur utilisation. J'ai pas touché. Substances produisant une euphorie pure sans redescente. J'ai eu ce moment de... Ouais. D'humanité. Derrière ma carapace de sélectionneur, j'ai eu un moment, une lueur... Et j'ai eu envie de dire aux gens que j'aime que c'est vrai. Substances qui peuvent être administrées subrepticement par les voies supérieures et qui ont très petite quantité rendent impossible toute activité physique. De l'Olympique Lyonnais, c'est une grande surprise, ils n'iront pas à Nantes. Après un vote à main levée dans les vestiaires du stade de Gerland, les footballeurs lyonnais ont décidé en effet de rester à Lyon. Raymond Domenech, vous êtes le capitaine de cette équipe lyonnaise. Je pense que cette décision de ne pas aller à Nantes a été difficile à prendre, mais qu'elle a avant tout un caractère particulier, un caractère familial avant tout. Oui, je pense que ça a été très dur pour tous, mais enfin, on a mûrement réfléchi. C'est la période des vacances, les enfants ont 15 jours. C'est pas souvent que ça nous arrive de tomber les vacances en même temps que nos enfants. Alors on a décidé, à l'unanimité, on y a tous bien pensé, on en a parlé pendant un bon moment, de ne pas aller à Nantes dans ces conditions. On veut profiter de nos vacances avec nos enfants. Substance causant une telle confusion mentale que l'individu sous son influence lors d'un interrogatoire trouvera difficile de soutenir une histoire fabriquée. Que je les aime. Et c'est dans les moments difficiles où j'ai toujours cette réaction. C'est de me dire, vous voyez, sur quand ça va pas, quand c'est difficile, on s'appuie sur des gens qu'on aime. J'avais envie de leur dire, je n'ai pas réfléchi, je ne me suis pas posé la question, c'est sorti comme ça. Le projet MK Ultra, revu par et ses implications dans le football, revu par Brett Sinclair et Don DeLillo. Bravo, bravo, chers amis, pour cette belle pièce radiophonique que vous nous avez offert ce soir. Ah, mais c'est du document sérieux. Hein. Ah bah, on n'en doute pas. À chercher. D'ailleurs, je pense que en fait, probablement la CIA a dû probablement couper l'antenne et en fait, on parle probablement dans le vide. Hein. Bah là, le doc est en garde à vue, hein, il me semble, à galère. Ouais, c'est confisqué, ouais. Ça. Ouais. C'est confisqué. Quant à Patrick, il est en fuite. Patrick est en fuite, et c'est vrai que c'est un document qui fait mal. Je cherche la contrepétrie, mais je ne la trouve pas. Non, c'est salut Patrick, la contrepétrie. Mais c'est un document qui fait mal, pour revenir... C'est un document à charge. Je pense qu'on a mis un grand coup dans la fourmilière. Je pense que Barack Obama ne sera jamais réélu. Mais non, mais ouais. En fait, les Illuminati nous ont contactés. Hein, et Snowden aussi, d'ailleurs, qui nous a dit si vous cherchez un endroit où dormir. Ouais. Et Wiki Galère, c'est ce soir où j'allais. Alors, on enchaîne parce que l'émission va bientôt se terminer. On a encore énormément de choses à dire et à discuter. Oui, mon cher Brett, on a une équipe à compléter. Hein. Ah, on a une équipe à compléter. On va faire les milieux de terrain et les attaquants. Hein, on y va d'un seul coup. Si on veut la compléter, c'est maintenant ou jamais, je crois. Jingle. Ok. Ouais, voilà, alors on est parti sur le jingle. We will live for love united. À toi, coach Luc. Love united, yeah. We love everybody. Alors, pour compléter cette équipe de la Love United Team, je vous propose quelques milieux de terrain. Je vous rappelle qu'il faut en choisir 4, puisque vous avez choisi l'équipe en forme de cœur. 4 milieux de terrain parmi Lolo Ferrari, puisqu'il va bien falloir quelqu'un qui fasse des contrôles de la poitrine, hein, évidemment. Néné, pour la même raison. Francky Vincent, parce que c'est quelqu'un qui est capable de dribble bien chaloupé. George Best, évidemment. Wagner Love, bien sûr. Pourquoi Wagner Love? Parce que Wagner Love, c'est quand même un des personnages les plus puissants du foot et de l'amour, de par son nom. On va rajouter dans cette catégorie des milieux de terrain Franck Michael, puisque personne comme lui ne chante l'amour. Et puis, eh ben, ce sera tout. Voilà, il faut choisir parmi ces grandes personnalités quatre joueurs de milieu de terrain. Coach Luc, est-ce que vous êtes capable de... Moi, déjà d'office, je supprime Franck Michael qui ne pourra jamais faire de tête à cause de sa coupe des cheveux. C'est probable. Donc, je pense quand même que... je prends Wagner Love et d'ailleurs, j'en ferai mon capitaine. Ouais, c'est le capitaine de Coach Luc, Wagner Love. Ouais. Ça, c'est bien. Wagner Love. Il vous en faut combien? Ah, mais il en faut 4. Il vous reste Lolo Ferrari, Néné, ouais, Francky Vincent, Georges Best. Wagner Love, je suis d'accord, ouais. Lolo Ferrari, Lolo Ferrari. Lolo Ferrari sera dans l'équipe, oui, deux voix. Oui, parce qu'il faut du talent. Il faut du talent. À la place de Néné. Alors, Lolo Ferrari, Wagner Love, c'est deux postes validés? Ouais, parce que Néné pas assez d'envergure par rapport à Lolo Ferrari. Non, trop petites épaules et puis pas assez de talent, quoi, Lolo Ferrari. Pas assez de... au milieu de terrain, c'est charismatique. Si vous enlevez Néné et Franck Michael, il vous reste Francky Vincent et Georges Best pour compléter le milieu. Très bien. Eh bien, donc, on a un milieu de terrain composé de Wagner Love et Francky Vincent pour l'animation et Georges Best et Lolo Ferrari pour les ailes. C'est parfait. L'attaque de la Love United Team sera composée soit de Julian Ross, évidemment, puisque Julian Ross a souvent mal au col. Il a mal au col, Julian Ross. D'abord Soccer, bien sûr, l'attaquant croate qui postule à l'attaque. Patrice Loco et également. Quelques mésaventures policières qui ont vu son sexe dressé. Sur sa tête. Parmi ses cheveux. L'ami Croquette aussi fait partie des postulants à l'attaque de la Love United Team. Vous pouvez choisir pour la Love United Team de prendre chacun des membres des Poetic Lovers. Donc ils sont trois, ils peuvent être l'attaque de la Love United Team. Et puis il y a ce fameux Serge. Et je ne me souviens plus de pourquoi on a choisi ce fameux Serge. Eh bien, tout simplement Serge de Jeanne et Serge. Voilà, Serge de Jeanne et Serge. Hors pair. Un attaquant hors pair et un amoureux fabuleux. Fabuleux. Exactement. À vous les amis. Coach Luc. Alors les attaquants de la poétrie. Alors si vous mettez les Poetic Lovers, vous n'avez plus de choix. Hein. Ah bah non. C'est Poetic Lovers ou rien. Ou rien. Ouais. Moi j'aime bien l'idée de mettre Serge. Alors. Serge sera en attaque. Voilà. Serge de Jeanne et Serge. Je vote pour Serge aussi. Serge est validé par Brett aussi ou non, pas? Non, pas du tout. Moi, Serge, je trouve pas que ça soit du tout un bon lover, mais il y a déjà deux voix. Il y a déjà deux voix, ça sera dur de l'évincer de l'équipe. Non, mais bon, quand même, je dis que je suis pas d'accord. Alors, il en faut deux autres. Moi, je mettrais d'abord Soccer. D'abord Soccer. Ou d'abord Soccer. Ouais. D'abord Soccer. D'abord Soccer et ensuite Croquette. Croquette. Bah, voilà, il faut Croquette, je pense, en attaque de la Love United Team. Oui, je pense que c'est. Croquette, un attaquant hors pair. Voilà. C'est Crocus sans planète, voilà. Évidemment. C'est une balle en but, c'est efficace. C'est... Alors, en attaque, on aurait donc, si les votes sont clos, d'abord Schöcker, Serge de Jeanne et Serge et Croquette. Et qui on met à la pointe de l'attaque du Alors, coup, à la pointe, moi je mettrais Serge. Tu mettrais Serge, toi? Ouais, là, il faut du Serge. Là. Ouais. Mais même si Croquette va lorgner sur le poste dès qu'il peut. Il y a un moment dans la soirée, si on passe de la cumbia... Croquette va lorgner sur la pointe de l'attaque. Serge sur le banc discrètement. Voilà. C'est une belle équipe. Je vous la rappelle cette équipe ou pas? Bien sûr. Dans les buts de la Love United Team, on a donc Love Yashin en défense centrale, Doud, ainsi que Doud est en défense centrale. Il sera assisté de Paolo Maldini et de Trifon Ivan Love. Au milieu de terrain, à la récupération, je dirais Lolo Ferrari. Hein, évidemment. Et pour animer les côtés, George Best et Wagner Love. Et puis au centre, le chaloupé, le coup de rein de Francky Vincent va sûrement amener la création. En attaque, Croquette d'abord Schöcker, vont faire les électrons libres, un peu, hein, se partager les ailes, certainement. L'aile ou la cuisse d'avoir choqué. Je ne suis pas sûr qu'ils vont se faire beaucoup de passes. Ils ne vont pas se faire beaucoup de passes, mais ils vont certainement se partager le terrain, à un moment donné. Et éventuellement, servir dans les meilleures conditions Serge de Jeanne et Serge. Voilà une belle équipe, c'est la Love United Team. Pour vous, on peut peut-être se repasser un petit jingle pour terminer. United, United, not united. Oh oh, all of this. Oh oh oh oh, love united, come together. Love united, all united, for all the people of the world. C'est donc une chanson de Pascal Obispo. Pascal Obispo, comme vous l'avez si bien baptisé, mon cher Dundé. Est-ce qu'on parle théâtre un petit peu pour terminer cette émission, mon cher Brett? Est-ce qu'on en est au théâtre, évidemment, c'est l'heure. Je ne sais pas si on en est au théâtre, mais... Il est 11h moins 5 en général. Il faut taper les trois coups, alors. Brigadier, comme on dit. C'est le théâtre, en effet, et c'est l'heure de la pièce L'amour fou de Robert Lamoureux. Alors... Qu'on est censé jouer donc sur ce plateau. Oui, alors je vous propose dans un premier temps d'écouter un petit extrait de cette pièce, parce que c'est une pièce qui a été créée par Robert Lamoureux en 1993. Je vous en fais tout de suite très rapidement le pitch. L'action se passe à Saint-Plongeay dans le Berry. Suite à une émeute de jeunes casseurs venant du quartier des Brochettes, le centre-ville est en émoi. Pressé d'effacer ce souvenir, le maire, qui à l'époque était interprété par Robert Lamoureux, soucieux de sa réélection face à son éternel rival, Catala, se voit obligé d'accepter dans l'équipe de foot locale, l'Olympique Saint-Plongeay, Félicien Couricouri, surdoué du ballon, mais aussi chef des émeutiers. D'où le problème. S'il refuse cette convocation, la mère Couricouri révélera que Félicien n'est autre que le fils biologique du maire. Voilà, ça c'est la première intrigue. La seconde n'est pas moindre, parce que dans le même temps, le maire apprend que sa belle-fille, donc la femme de son mari, de son fils, pardon, trompe son mari avec Félicien Couricouri, le joueur de foot précédemment nommé, et qu'elle veut cesser cette relation. Donc ça pose beaucoup de problèmes en même temps au maire de Saint-Plongeay. On écoute un petit extrait de... C'est quand même un violent pamphlet contre la FIFA. Alors, c'est un violent pamphlet contre la FIFA. C'est un extrait d'une interprétation un peu spéciale, puisque dans les rôles-titres, on a Popek et Jean-Pierre Castaldi. Ça, c'est pas rien. Popek étant le maire et Jean-Pierre Castaldi étant le président de l'Olympique Club du foot Saint-Plongeay. Et ben voilà, on va voir ce qu'il se raconte. Allez, on écoute. Couricouri marque un but dans les 5 premières minutes, un deuxième but dans les 5 minutes suivantes, et un troisième but 5 minutes plus tard. Stupeur ! On jette plus les bouteilles, on les boit. Au quatrième but, vas-y Félicien, fin du match, on a gagné. Et le quartier résidentiel tombe dans les bras des Bronchettes. C'est ça la puissance du foot, monsieur le maire. Un but en plus, un but en moins, et le paysage politique est chahuté. Les mairies changent de main sur un pénalty. Bon. Pour vous, monsieur le maire, la gloire, les gros titres, Saint-Plongeay, Villefard, vive monsieur le maire! Et Catala va se faire parachuter dans les dom-toms. Voilà ce qui va se passer, monsieur le maire. J'en ai parlé à Félicien, il est d'accord. Vous savez, c'est un brave garçon qu'on aurait coulé, hein. Bien élevé. Oui, bien élevé. Castagneur, mais bien élevé. Bien par... élevé. Oui, par une mère célibataire. Un exploit dans un quartier pareil. D'ailleurs, elle est d'accord pour qu'il joue dimanche ou qu'il se réhabilite. Elle est au courant de votre démarche? Ah, oh, mais vous pensez, elle est folle d'impatience. Elle m'attend en bas dans la voiture. Bon, alors, monsieur le maire, qu'est-ce qu'on fait pour couler? Hein? Et si le gardien de but d'en face est aussi un surdoué? Alors, un surdoué qui shoot et l'autre en face qui arrête tout en courant des astres? Oh. Non. Prévenez la fédération que le football club olympique de Saint-Plongeay a momentanément cessé d'exister. Quoi ? Dites à Madame Couricouli que je regrette, que je la remercie, mais qu'un maire ne peut pas courir le risque de faire s'affronter les deux moitiés de sa ville. Et évoquer une tornade qui s'abattrait sur le stade, Madame Couricouli est antillaise, elle comprendra. Ah oui, une tornade sur le stade. Ah bah oui, une tornade dans sa région, ça fait jamais moins de 200 victimes. Oui. Allez, je vous appelle dans la semaine et on dîne ensemble. Bon ben... Au revoir, monsieur le maire. Au revoir, président. Président de quoi, maintenant? Oui, évidemment. Eh ben, on va fonder un club d'autre chose. Un sport où il n'est pas nécessaire d'avoir un effectif aussi nombreux. Le sumo, par exemple. On va aller les chercher au Japon. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au Japon. Ah bon? Vous pesez combien, vous? Ah non, un trop... Alors, formidable interprétation, ouais. Hein, on l'a alors, souligné. De je ne mettrai pas Castaldi dans ma Love United. Non, bah Jean-Pierre Castaldi nous fait démonstration dans cet extrait de sa capacité d'acteur assez phénoménale. Ouais, un peu toujours identique, mais on l'aime bien. Oh bah on l'adore, mais du coup, je vous propose de vous mesurer à Jean-Pierre Castaldi. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait pas trop l'ouvrir. Non, il faut pas trop l'ouvrir. D'ailleurs, on s'associe à la douleur de sa famille. Hein. Alors, et à nos familles aussi, respectivement. Alors, je vous propose, chers amis, ce soir, c'est un rituel dans cette émission, d'interpréter un petit morceau de cette pièce, L'amour foot. Quatre personnages vont se disputer l'intrigue. Et dans ces quatre personnages, Coach Luc, vous interpréterez Madame Fontaine, qui est la secrétaire de mairie, qui sont... Madame Fontaine est stipulée dans les feuilles que vous avez devant vous par un fameux MF. Le MF de Madame Fontaine. Et vous aurez la voix, puisque vous avez fait preuve de... C'est le tirage au sort hein, qui a désigné votre voix au préalable. Et vous avez déjà fait preuve de beaucoup de fantaisie avec cette voix-là, d'Alice Sapritch. Brett Sinclair, vous interpréterez le rôle du maire, Robert Lamoureux. C'était Robert Lamoureux qui était le maire à l'origine dans cette pièce. Ça donc, Vous voyez devant vous les fameux RL qui marquent votre position dans la pièce. Et moi, je suis JB, quoi. Et voilà. Et vous, Dondé, vous êtes JB, Jacques Balutin. Et moi, je fais quelle voix, moi? Alors, vous, Brett, vous allez avoir la voix... Alors, excusez-moi un tout oui, petit parce instant. Que c'est la voix de Julio Iglesias, tout simplement. Le tirage au sort à... Voilà. Qui ressemble vachement à celle de Julian Ross. Et c'est possible, mais en tout cas, vous aurez la voix de Julio Iglesias. Quant à vous, mon cher Dondé... Vous serez Jacques Balutin, donc le président de l'Olympique du foot de club local dans la pièce, et vous aurez la voix de Gilbert Bribois. Gilbert Bribois, c'est connais donc pas. Le... Ah ouais, vous connaissez connais très pas, bien non. Gilbert pas Bribois. Non, je connais pas. Gilbert Bribois, c'est le journaliste star de RMC. Oui. Et vous nous avez fait une formidable interprétation tout à l'heure de Gilbert Bribois. Quant à moi, je serai Madame Donadieu et j'aurai la voix de Fanny Ardant, Madame Donadieu, qui est la belle-fille du maire. Et oui. Ça promet tout ça. Allez, on y va. On se lance. Et pour commencer, vous pouvez se passer un peu la rencontre. Ah okay. Oui, alors là... On repart, parce que le premier... Il y avait un piège avec le Robert Lamoureux qui n'était on pas... On repart. Pour démarrer cette scène, Jacques Balutin, donc le président, s'adresse à Madame Donadieu. Et pour commencer, vous pouvez espacer un peu la rencontre. Mais oui, tout espace, sorte des ruptures homéopathiques... Ah oui, c'est ça. Au lieu d'une fois par semaine, je ne trompe plus votre fils qu'une fois tous les 15 jours. Voilà. Excusez-moi, monsieur le maire, chéri. Mais vous n'êtes pas parti, madame Fontaine. Je suis parti, mais je suis revenu, mon chéri, pour mettre une enveloppe à la poste, mon chéri. Ah bon? Et j'ai attendu... Ah mon Dieu! Vous avez entendu quoi? Pour Madame Donadieu, courir, mon chéri. Oui, bon, et alors? Eh bien, vous ne pouvez pas faire ça, monsieur le maire. Mais faire ça quoi? C'est vrai que Madame Donadieu, mon chéri, elle n'aurait pas dû succomber à l'auberge des trois bûcherons, mais, mon chéri, vous ne pouvez pas l'obliger à continuer. La femme de votre fils, monsieur le maire. Mais de quoi je me mêle? Se prostituer, mon chéri. C'est elle qui l'a dit. Pour sauver le club de foot. Mon Dieu. Mais c'est monstrueux, mon chéri. Vous ne pouvez pas en vouloir une chose pareille. Non mais voyons, madame Fontaine, vous avez mal compris. Non, mon chéri. Nous trembucherons, et maintenant, le petit page à Chenonceau. Et vous, ma pauvre enfant, chérie, chérie, vous vous rendez compte si monsieur Jean-Méry est... ou Jean-Marie mon Dieu. Et votre femme, monsieur le maire, chérie, chérie, si droite. Et vous encouragez votre belle fille à coucher Mais je l'encourage pas. Non, non. Simplement que mettre un terme à cette liaison en invitant la casse. Mon Dieu, chérie, chérie. Et les gens de la ville, Et mais si personne n'en parle, personne ne le saura. Oui, oui. Mais évidemment, Madame Fontaine, il ne s'agit pas seulement de sauver le club, Madame Fontaine. Avec Félicien, comme vous avez pu l'entendre à la porte, c'est la vidéo de société qui est en courage. Ah oui, oui. Quel est l'objectif de monsieur le maire? Ah. Eh oui, C'est... Profitant de l'exceptionnel talent de Coury-Coury de pouvoir, avec un parking et le tout à l'égout, d'en faire une des plus dignes et des plus confortables pour nos travailleurs de notre ville. Ah. Ah ben, mais c'est ça mon objectif. Mais j'ai entendu, chérie, chérie, vous disiez même que, monsieur le maire, au début, que vous ne vouliez pas que votre fille se prostitue pour le tout à l'égout. Ah, et... C'est que, monsieur le maire, nous avons pris de Coury-Coury. Ah ben, et oui, voilà, 1,5 milliard, je ne savais pas. 1,5 milliard Ben oui, alors. On n'a jamais entendu ça. Coury-Coury va recevoir, mon chien chéri, 1,5 milliard pour taper dans un ballon. Eh oui. Non. Une grosse partie ira à la commune. Aux travailleurs. Dont le sort a toujours préoccupé monsieur le maire. Ah ben oui, oui. Ça, les travailleurs, ça a toujours été mon... Et quand je vois un travailleur, moi, j'en vois plus beaucoup, mais... Bon, monsieur le maire, qui me parlait précisément de votre cas hier? Ah. Mais si, c'est bien que vous me disiez pour Madame Fontaine. Oui, Mais si, oui. Je me demande, me disiez-vous hier, si vous ne devriez pas revoir le salaire de Madame Fontaine? Ce sont vos propres paroles, monsieur le maire. Ben, c'est rigolo, je ne me rappelle plus. Ne me démentez pas. Ah ben non, je ne vous demande pas, c'est seulement que je me demande pourquoi j'aurais dit une connerie pareille. Ah! Ben oui. Ah ben oui. Je me suis dit, tiens, faudra que je pense à revoir le salaire de Madame Fontaine. Voilà. Oui. Et vous envisagez? Oui. Oui, de faire passer Madame Fontaine de... 5385 francs. Mon Dieu, comment peut-on vivre avec ça? Oui, mais on s'en fout, c'est pas le problème. De 5285 francs, hein? À combien disiez-vous, monsieur Yann, monsieur le maire? À combien je disiez-vous hier, monsieur le maire? Qu'est-ce que ça peut vouloir, ça? Elle a déjà des heures de vol, je veux dire, c'est pas un prototype. 5005. 9000, mon cher chéri. Quoi? 9000 francs à juger! Mais ça va pas, quoi? Avec effet rétroactif depuis janvier. Avec 1,5 milliard, monsieur le maire, chérie chérie, ce n'est pas cette rallonge qui privera la ville d'un parking, chérie chérie. Évidemment. Ou tout à l'égout. Évidemment. Et je précise, monsieur le maire, que cette rallonge, madame Fontaine, ça fera titre de secrétaire olympique. Secrétaire olympique. Oui, rallonge, si c'est titre rallongé, mais qui peut bien s'y citer le secrétaire avec. Voilà. C'est pour une raison prudente olympique, on est sur les bigots. Bit. Merci beaucoup, monsieur le président, chérie, chérie. Merci beaucoup, monsieur le maire, chérie, chérie. Pour le secrétariat de l'Olympique, vous me direz quand est-ce que je commence, chérie, chérie. Je suis libre tous les soirs, sauf le lundi, où j'ai ma conférence Saint-Vincent-de-Paul. Mais on va gagner. Ah, bravo, chers amis, pour cette magnifique interprétation d'une petite scène de la pièce de Robert Lamoureux, L'amour foot. Mon cher Brett, est-ce que c'est par ces mots que se conclut cette émission? Bah, j'ai envie de dire que vu l'heure qu'il se fait, oui, je pense que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Ah. Et on avait un quiz qui nous attendait. Alors, on l'a, hein, si on veut, hein, c'est pas obligé. Hein, mais, si, bah, on peut s'excuser platement auprès de l'émission Dream to Drum qui va enchaîner quoi qu'il arrive ensuite. Il faut faire, c'est pas un grand quiz en plus. Hein, mais il faut faire un peu rapide. On se fait le quiz en termination. On salue déjà tout le monde en disant merci de nous avoir écoutés. Merci à Radio Galère, merci à vous sur le plateau. Merci à nos fidèles auditeurs. Merci à Robert Lamoureux. Merci Robert Lamoureux. Merci à Castaldi qu'on a enterré ce soir vivant. Ouais, je crois que là, y a de la relève. Hein. Là, il y a terrible, ces pièces. Il y a de l'underground. Il y a de l'underground et le quiz sera le jingle. Alors, c'est un quiz en deux parties, parce qu'il ne va pas être si court que ça, en fait, probablement. C'est un quiz en deux parties. La première partie va définir le finaliste. Et alors, je vais vous demander, chers amis, pour cette première question, de trouver un exploit de buteur qui laisse supposer qu'il a eu, pendant le match, un chapeau sur son sexe en érection. Hat-trick. Le hat-trick, bravo, une bonne réponse pour Dundee. C'était une question, ça ? Bah, ça, c'était la première question. Ça. Ah ouais. Que veut dire un coup dans la motte ? Un coup de la motte, ça c'est taper dans l'herbe. C'est taper dans l'herbe, une bonne réponse pour Brett. Il y a les monts de Venise, c'est ça. Qui a dit « J'adore les Anglaises, entre autres parce qu'elles ont des gros seins ». C'est Gascogne, Paul Gascogne. Non, c'est un joueur de foot français qui a joué en Angleterre. Robert Pires. Non, Thierry Henry. Très fin. Nicolas Anelka. Non. Très fort. Très fin. Très fin. Très fin. Un mec vraiment qui brille par son... Viera. Diaby. Blond. Blond. Emmanuel Petit. Emmanuel Petit, deuxième bonne réponse pour Dundee. Yes. Une expression qui signifie qu'un joueur a loupé une occasion immanquable censée faire remporter la partie. Manger la feuille de match. Manger la feuille ou bouffer la feuille, selon l'expression. Donc deux points chacun, Dundee et Brett, il va falloir rester dans la course. Oui, faites comme si j'étais pas là. Voilà, mon cher coach Luc. Une nouvelle expression qui se rapporte à l'échec d'un dragueur, qui veut dire un râteau. Un râteau, ouais. Râteau, ça c'est pour coach Luc. Et enfin, dernière question. À l'époque, si j'avais eu le choix entre enfoncer les défenseurs de Liverpool puis planter un but dans la lucarne ou en caser un dans les cages de Miss Monde, j'aurais eu du mal à me décider. Par chance, les deux me sont arrivés. Qui a dit ça ? Je vous laisse réfléchir, j'ai la réponse. Thierry Henry. Wayne Rooney. Qui aurait pu dire ça à la grande époque du football ? George Best, et c'est l'ami Brett qui va en finale pour le fameux quiz lover, voleur ou Wagner. Voilà. Attends, il est tout seul en finale. Ah bah il est tout seul en finale, mais vous pouvez l'aider. Ah bah ouais, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est qu'un titre double, c'est-à-dire c'est la victoire ou l'humiliation. C'est la victoire ou l'humiliation, c'est-à-dire si il gagne, il gagne, c'est beau, c'est chouette. S'il perd, c'est comme il avait cité le club de la capitale. C'est la même chose. Je vais vous donner un nom de personnalité, vous allez me répondre lover, voleur ou Wagner. On va commencer par simple, et on va aller tambour battant. Hein. Rocco Siffredi. Lover. Raymond Domenech. Voleur. Baki Koné. Wagner. Serge Lelama. Voleur. Tony Vérel. Lover. L'arbitre. Voleur. Julio Iglesias. Wagner. Non, ça c'est une première mauvaise réponse. Jean-Pierre François. Wagner. Ouais. Fabrice Fiorez. Voleur. Fantastique Mr. Fox. Lover. C'était un voleur. Ricky Martin. Wagner. Ah non, lover. Gerd Müller. Voleur. Voleur. Rikiki Martin. Le sosie nain de Ricky Martin. Voleur. Bravo. Frank Rijkaard. Wagner. Wagner, bravo. Stavos Goufstis. Joueur grec. Ouais. Je vois bien. Lover. Ah non, c'était un voleur parce que c'était le joueur de foot kleptomane. André Rieu. Ah, merde. Wagner. Oui. Et Carlos Valderrama. Lover. Oh, une grande majorité de réponses positives pour l'ami Brett. Vous êtes le champion de ce soir. Vous repartez avec le banco. Et c'est sur ces bonnes images qu'on va se quitter. Allez, mais avant de partir, un petit... United, we made love, united, a moment like this. United, all united, didn't end us for all the people of the world. On va se quitter avec une dernière chanson, mon cher Brett, sans oublier de laisser la parole à notre émission suivante, qu'on salue. Salut, salut. Salut, salut.